بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui, inshallah ta'ala, notre troisième cours dans la lecture et l'explication de cette épître, du très savant de l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, concernant les invocations et les azkar. Aujourd'hui, on va commencer un chapitre, le premier chapitre. On a fini l'introduction. Et le premier chapitre, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, Faslun fi bayan al-azkar al-mashru'ati ba'd al-salam fi salawat al-khams. Et donc, un chapitre montrant les azkar qui sont légiférés après le salam lors des cinq prières. Après le salam, c'est-à-dire le salam lorsqu'on finit la prière. Et donc il dit l'auteur, rahimahullah, « لَقَدْ سَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ إِسْتَغْفَرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et donc il a été rapporté de manière authentique. Donc comme on a dit, on regarde ce qui est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté de manière authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il passait le salam à la fin de la prière obligatoire, donc il implorait le pardon d'Allah trois fois. Et donc trois fois, lorsque tu finis la prière, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Et il disait, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ô Allah, tu es as-salam. Tu es as-salam. As-salam, que on peut comprendre par le salut, la paix, la préservation, tout cela on va l'expliquer inshallah ta'ala. Wa minka salam, tu es salam. Et le salam vient de toi. Tabarakta. Donc, tu es celui qui détient la bénédiction parfaite. Ya zel jalali wal ikram. Ô celui qui mérite d'être vénéré et qui mérite la bienfaisance. C'est-à-dire, ses serviteurs, lorsqu'ils l'adorent, ils doivent faire preuve de bienfaisance. Et donc concernant ce hadith, barakallahu fikum, concernant ce zikr que nous a cité l'auteur, l'imam Muslim il cite dans son sahih, d'après Thauban, qui dit « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idan sarafa min salatihi, istaghfarallaha thalathan, wa qal Allahumma anta as-salam, minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wa ikram. » Et donc en fait, ce que l'auteur vient de nous citer, on le trouve dans le recueil de l'imam Muslim. Tayyib. La sagesse dans le fait de demander trois fois le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala après la prière. Les savants nous disent que le serviteur, lorsqu'il va accomplir un acte d'adoration, il est impératif qu'il y ait dans cet acte d'adoration des manquements. Qu'il y ait des manquements et qu'il y ait une forme de négligence. Car le serviteur est faible. Et donc par rapport à cela, le serviteur, lorsqu'il a fini sa prière, il va demander trois fois le pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Il va demander trois fois à Allah de lui pardonner. Et certes, Allah c'est lui, as-salam. As-salam, ce qui est voulu ici, c'est celui qui est préservé de tout manquement et de tout défaut. Et donc, subhanallah, le serviteur, il finit sa prière et tout de suite après, il admet que lui, il est faible. Et qu'il a des manquements. Et que même dans cet acte d'adoration qu'il vient de faire, il y a des manquements. Il va demander à Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et tout de suite après, il met en évidence le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il est parfait, il n'a aucun manquement, il n'a aucun défaut. Anta salam. Celui qui n'a aucun manquement, aucun défaut, rien de mal. Et donc celui qui est exempt de tout ce qui ne lui convient pas. Et aussi il va admettre que As-salama, le fait d'être préservé de tout mal, vient d'Allah Azza wa Jal. Et donc Allah, c'est lui qui te préserve de tout mal. Tu veux être préservé, fais les causes. Retourne vers Allah. Et ça, c'est une leçon qu'on a besoin d'apprendre aujourd'hui, les musulmans. Hein? Notamment avec ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit en Palestine ou ailleurs. Les jeunes, ils ont besoin d'apprendre qu'on a besoin de retourner vers notre religion. Si on veut être préservé de tout mal, on doit déjà commencer par retourner vers notre religion. Commencer à prier à la mosquée. Commencer à apprendre notre religion. Et donc il est impératif, barakallahu fikoum, qu'on fasse des efforts. Les gens aujourd'hui, ils veulent être préservés de tout mal, mais ils ne font pas les causes légiférées pour cela. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala, donc celui qui a atteint la bénédiction parfaite, et il est celui qui mérite de droit, celui qui mérite d'être vénéré, et donc qui mérite la bienfaisance de ses serviteurs dans l'adoration lorsque ceux-ci l'adorent. Il continue l'auteur, rahimahullah. Il nous dit, il continue à citer des invocations qu'on fait après la salat. Donc il a déjà cité Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Il continue. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani' lima a'tayt wa la mu'fi lima mana't wa la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd. La ilaha illa Allah. Donc, nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, seul et sans associé. À lui appartient la royauté, toutes les louanges lui reviennent, et il est capable de toutes choses. Ô Allah, personne ne peut empêcher ce que tu donnes, et personne ne peut donner ce que tu retiens. Ou Allah, personne ne peut retenir ce que tu donnes. Allah donne quelque chose à son serviteur, personne ne peut le retenir. Et si Allah retient quelque chose et ne le donne pas à son serviteur, personne ne peut lui donner. Wala yanfa'u zal jaddi min kal jaddu. Celui qui a beaucoup d'argent, son argent ne lui est pas profitable face à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, barakallahu fikoum, concernant cette invocation que l'auteur vient de nous citer, on la trouve dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Donc, concernant l'istighfar, ainsi que le fait de dire Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, ça on le trouve dans Sahih Muslim. Et là maintenant, ce qu'on vient de voir dans As-Sahihayn, les deux, al-Bukhari et Muslim. Il y a dans cela, barakallahu fikoum, le fait de mettre en évidence le tawhid, l'unicité. La ilaha illallah. Le serviteur, il a fait, dans sa prière, il a adoré Allah tabaraka wa ta'ala seul. Il finit sa prière, il continue à montrer l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le seul à mériter l'adoration. Il montre la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Toute la royauté lui appartient tabaraka wa ta'ala. Il fait ce qu'il veut. Et il montre que, donc dans cette invocation, on voit que le serviteur, il est convenable, il lui est obligatoire de placer sa confiance en Allah. Puisque c'est Allah qui gère toutes choses. Et que ce que Allah donne, personne ne peut le retenir. Et donc pourquoi est-ce que tu vas placer ta confiance en un patron ou autre? C'est pour ça que je vous dis, barakallahu fikoum, c'est pas convenable qu'on vienne, on fait la prière, après la prière, on fait les azkar comme si, sans méditer sur ce qu'on dit, et après la personne elle se lève, elle va au travail, la personne elle vient de prier Zohar, elle va au travail, pour le Asar elle ne peut pas prier Asar parce que son patron, le chef d'entreprise il ne veut pas, et elle va prier Asar le soir à la maison quand il fait nuit, il va rattraper. Mais c'est toi qui viens de dire, après ta prière, tu as dit, personne ne peut retenir ce que Allah donne. Et donc pourquoi est-ce que, ici dans ce sujet, si tu vois une personne qui t'empêche d'adorer Allah Azza wa Jal, quitte ce travail. Quitte. Tu sais très bien que ce qu'Allah doit te donner, ce que Allah va te donner, personne ne va te le retenir. Personne ne va t'empêcher de le prendre. Et donc, place ta confiance en Allah. Et donc, c'est bien beau de faire les invocations. Mais il faut aussi méditer sur le sens des invocations qu'on fait à la fin de notre prière. At-Tirmidhi, il cite dans son Jami' d'après Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ô jeune enfant, je t'enseigne quelques paroles. Ihfazillaha yahfazk. Préserve Allah, il te préservera. » C'est-à-dire, préserve la religion d'Allah, celui-ci te préservera. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Préserve Allah, donc encore une fois, préserve la religion d'Allah, tu le trouveras en face de toi. C'est-à-dire, tu trouveras qu'Allah te montrera toujours la voie. Allah va toujours te montrer où aller. إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Lorsque tu demandes, demande à Allah. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Lorsque tu implores l'aide, alors implore l'aide d'Allah, تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Et sache que la communauté, sache que tout le monde, s'ils se réunissent pour être profitables en quelque chose, ils ne te seront profitables que dans ce qu'Allah a prescrit te concernant. Ils ne pourront te donner que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a écrit qu'ils te donneront. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَدُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. Et si tout le monde cherche à te faire du tort, ils ne pourront te faire de mal que ce que Allah a écrit te concernant. Certes, les plumes sont levées et l'encre a séché. Et donc, on doit placer notre confiance en Allah Azza wa Jal. C'est important, lorsque tu finis ta prière et que tu dis cela, tu dois le vivre. Allahumma la mu'tiya lima mana't. Oh Allah, personne ne peut donner ce que tu retiens. Wala mani'a lima a'tayt. Et personne ne peut retenir ce que tu as donné. Et donc oui, on fait le zikr avec notre bouche, mais on y croit avec notre cœur et on le vit avec nos membres. Et donc il y a dans cela, barakallahu fikoum, aussi le fait que l'argent n'est pas profitable à l'individu. Les gens sont trop accrochés à l'argent. Il le dit ici clairement, il finit sa salat et il dit dans les invocations qu'il va citer, « وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. » Il le dit, celui qui a beaucoup d'argent, celui qui a beaucoup de moyens, tous ces moyens ne lui sont pas profitables face à toi. Tout ce qui est profitable au serviteur, c'est son obéissance, le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal. Et donc pourquoi est-ce que lorsqu'on finit la salat, pour beaucoup, les gens, ils pensent à argent, argent, argent, argent, argent. Il continue l'auteur, rahimahullah, à nous citer des invocations. Et donc là, on a cité la première. On a vu la première, donc lorsque tu finis ta salat, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarak ta ya dhal jalali wal ikram. Et ensuite, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana't, wa la yanfa'u dhal jaddi minka aljadd. Et ensuite, on continue après cela, il continue, il dit « La hawla wa la quwwata illa billah, wa la ilaha illa Allah, wa la na'budu illa iyya, lahun ni'matu, wa lahul fadlu, wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illa Allah mukhlisina lahul din, wa law karihal kafirun. » Allahu Akbar, subhanallah, wallah les frères, ces paroles, elles sont tellement importantes. Elles sont tellement grandioses. Tu finis ta salat, tu dis ça, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc premièrement, avant de commencer dans l'explication, cette invocation, on la trouve dans Sahih Muslim. Cette invocation, on la trouve dans Sahih Muslim d'après Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu. Et donc, la parole, la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il nous dit que cette parole est un des trésors du paradis. Kanzun min kunuz il janna. La hawla wa la quwwata illa billah. En France, beaucoup vont le traduire, même moi ça m'est déjà arrivé, de le traduire en disant il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Non, c'est faux. Cette traduction, elle est incorrecte. Ce qui est correct, la hawla, le cheikh Ibn Baz, il dit, el hawl, c'est et tahawul. Et donc, il n'y a de changement, ni de puissance que par Allah. Et donc, la situation du serviteur ne peut changer que par Allah. Le serviteur est dans une difficulté. Sa difficulté ne va changer que par Allah. Il est dans une facilité. Sa facilité ne va se transformer en difficulté que par Allah. Il est dans une situation de pauvreté. Sa situation de pauvreté ne va changer en richesse que par Allah. Il est dans une situation de richesse. Sa situation de richesse ne va changer que par Allah. La santé à la maladie, que par Allah. L'égarement à la guidée, que par Allah. La faiblesse à la puissance, que par Allah. Et donc le serviteur va admettre sa faiblesse et la toute-puissance d'Allah Azzawajal, et que c'est lui qui gère tout. Tu admets que tu as besoin de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Tu viens de finir ta prière, tu t'es fatigué, tu as fait la prière, tu as fait des efforts, tu es allé à la mosquée. Et malgré ça, tu admets que tout ce que tu fais, tu le fais par Allah Azzawajal. C'est lui qui t'a facilité pour que tu puisses le faire. Tout acte que tu fais de bien, c'est par Allah Azzawajal. Tu es dans une situation, tu es assis chez toi pour arriver à la mosquée et faire ta prière, c'est par Allah Azzawajal. Et rappelez-vous dans le verset qu'on a vu dans Surat Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. La demande d'aide, c'est un acte d'adoration. Pourquoi est-ce qu'on répète un acte d'adoration après avoir dit que c'est toi seul que nous adorons? Ce qui est voulu ici, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Car nous ne pouvons adorer Allah tabaraka wa ta'ala sans son aide. Tu viens de finir ta prière et tu admets ta faiblesse et le fait que tu as besoin de l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala pour l'adorer, pour te rapprocher de lui, pour faire du bien. Et donc la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la ilaha illa Allah. On continue encore avec le tawhid. Nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Wa la na'budu illa iyyah. Et nous n'adorons que lui. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'u al-hasan. À lui appartiennent les bienfaits, la grâce et les bonnes éloges. C'est lui qui mérite tout cela. La ilaha, on revient encore sur le tawhid. La ilaha illallah, nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Mukhlisin, écoutez bien. Mukhlisin, lahuddin, walau karihal kafirun. En lui accordant un culte exclusif, même si les incroyants détestent cela. Subhanallah, la ilaha illallah. Les incroyants, ils sont pas contents qu'on fait la prière, on fait la prière. Ils sont pas contents qu'on dise la ilaha illallah, on dit la ilaha illallah. Nous vivons notre religion. Nous accordons à Allah tabaraka wa ta'ala un culte exclusif. Nous l'adorons lui seul. Même si les autres religions ou les autres donc communautés ne sont pas contents. On ne cherche pas la satisfaction des gens. On recherche la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ce n'est pas convenable, barakallahu fikoum, une personne, elle finit sa prière, elle fait ses askar, elle va citer cette parole grandiose et importante, elle se lève, elle va chercher la satisfaction de son patron. Dans la désobéissance à Allah azza wa jal. Tout ça pour vous dire que souvent on ne médite pas sur ce qu'on fait. On ne médite pas sur ce qu'on fait. Tu viens de dire Mukhlisina lahuddin, nous lui accordons un culte exclusif, même si les incroyants le détestent. Ça veut dire que tu ne cherches pas la satisfaction des gens. Ça veut dire que tu admets que ton Seigneur, c'est lui qui mérite l'adoration et que c'est lui qui mérite d'être obéi. Parce que tu crois fermement que c'est lui qui gère toutes choses dans ce monde. Et c'est lui qui gère toutes choses, tabaraka wa ta'ala. Et donc nous, on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, avec ces quelques invocations. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.